qu'elle était 50 tout à l'heure. Annoncé aux salariés par mail la disparition des CARSAT et de la CNAV, donc de la branche vieillesse, à l'horizon 2022, au plus tard, ils sortent la retraite de la sécurité sociale pour ensuite la privatiser. C'est un peu pour les cotisations sociales. Une attaque pure et claire contre le meilleur, si Macron ne veut pas, on est là. Une chance s'il en fallait de généraliser la grève reconductible partout. Ils vont jusqu'à pousser la puissance de nous qualifier de criminels, d'incendiaires, de terroristes. Mais jusqu'où iront-ils pour satisfaire leur appétit financier, pour satisfaire le Ménès, l'Europe, la Troïka? En tout cas, nous, on continue la lutte jusqu'à la victoire, jusqu'au retrait. Ni abandonne, ni négociable, nos réformes, c'est zéro français. Ce texte, ce texte, c'est la première. Nous voulons vivre dignement de notre travail. C'est la lutte, c'est la dernière, exactement. Ouais, c'est ça.